Narcisse par Richard Lesclide. Je ne veux point me brouiller avec la mythologie, ni avec ces dieux que j'aime et que je respecte d'autant plus qu'ils sont démodés. On ne me persuadera jamais que des gens qui ont été adorés pendant 2000 ans dans des temples magnifiques, qui ont rendu des oracles et fait des miracles à volonté, soient des personnes sans importance et qu'on peut congédier sans cérémonie. On a bientôt fait de les nommer idoles. Idoles vous-même. J'en appelle notamment à la Bible qui nous montre ses plus gros personnages pleins de respect pour le pythoniste d'Endor. Si vous voulez remonter plus haut, je citerai la lutte de prestige à laquelle se livrèrent devant le pharaon Moshe et les magiciens d'Égypte. Moshe, ou Moïse si vous voulez, a reconnu lui-même leur puissance. Cela est dans l'Écriture, et quant à l'issue de la lutte, je ne l'ai lu que dans le Deutéronome. Il est probable que la version des magiciens ne devait s'y accorder qu'à moitié. Ce préambule un peu long tend à montrer mon entière bonne foi et la révérence que j'ai naturellement pour les pouvoirs établis. Malheur aux incrédules. Il est certain que ma tante boitait du pied droit quand elle est allée à Lourdes et que maintenant elle boite du pied gauche. Sa jambe, la plus courte, s'est trop allongée, voilà tout. Le miracle n'en est pas moins patent. Nier les choses, comme Voltaire et Bolingbroke, pour le plaisir de nier et sans y avoir aucun bénéfice, m'a toujours paru un procédé malhonnête. Il est si doux, d'ailleurs, de mentir et de laisser mentir. Qui n'accordera à une jolie femme qu'elle est la plus belle du monde au prix d'un baiser? Eh bien, les prêtres vous offrent le paradis au ciel si les femmes vous le donnent sur la terre. Soyons indulgents pour ces corrupteurs. Croire est si doux. Quand j'étais tout petit garçon, j'avais une grande cousine de 6 à 7 ans qui avait admirablement compris ce mode de séduction et de gouvernement. Quand je refusais de lui donner la moitié de mon gâteau, et j'avais tort, elle creusait un trou en terre et feignait d'y apercevoir des choses admirables. C'étaient des exclamations au sujet des merveilles qu'on voyait au fond de ce bienheureux trou dont elle avait soin de m'éloigner. Mon cœur finissait par se fendre. Je lui offrais à genoux, et j'avais raison, le gâteau refusé, pour avoir le droit de regarder la curiosité qu'elle avait découverte. Elle m'amenait auprès du trou en me dépeignant les splendeurs qu'il renfermait. J'étais ébloui et ne pouvais cacher mon admiration. Cependant, il n'y avait rien dans le trou. Non, rien, je vous le jure, rien que la foi. Et c'est tout ce qu'il faut. Aussi ne comprends-je pas les esprits rageurs et pointus qui font un procès au peuple de l'ancienne Égypte, sous prétexte que ces bonnes gens adoraient les oignons et les chats. Je vous mets au défi de me prouver en quoi les oignons et les chats ne sont pas adorables. Les oignons ont pour eux le maréchal de Soubise, les chats le cardinal de Richelieu, et j'ai de meilleurs arguments encore. Les oignons pompaient l'humidité des terres inondées par le Nil, foisonnaient, devenaient le pain du pauvre, assainissaient le sol par leur végétation et l'air par leur parfum balsamique. Peut-être objecterez-vous que vous n'aimez pas l'oignon. Eh bien, mange de l'ail, mon ami, c'est Rabelais qui parle, au moins. Quant aux chats, je ne crois pas utile de les défendre. Je passe sous silence la meilleure raison que l'on aurait pour cela et veux rester dans le terre-à-terre de la question. Quoi de plus magistral, de plus fourré, de plus doux et de plus majestueux que ces maîtres matous qui s'emparent d'une maison et que tout le monde, des maîtres aux valets, adore, sert et révère. Loin d'eux les basses complaisances et l'obséquiosité du chien, il règne au logis, égoïste et indifférent, par le seul attrait et je ne sais quel magnétisme qui dompte les âmes. Souvenez-vous de ce mot profond du bon Montaigne. Quand vous vous jouez de votre chatte, êtes-vous bien sûr que ce ne soit pas elle qui se joue de vous? La preuve en est que lorsqu'elle se sent lasse, elle s'assied, s'enroule et ne se dérange pas pour un empire. Montaigne avait raison. J'adorerais les chats sans scrupule, au même titre que Dieu le Père ou le Sacré-Cœur. Ils ont tous les caractères divins et de même que les castes sacrées nous laissent le soin de les loger, de les nourrir et de les défendre sans faire œuvre de leurs deux pattes, sauf pour se frotter l'oreille et se débarbouiller le nez. Ils sont d'une ingratitude royale. Leur biographe respectueux, Champfleury, de la manufacture de Sèvres, en échange de ses études enthousiastes, n'a obtenu d'eux que la permission de leur ressembler. On m'excusera si je me suis embourbé dans une histoire de chat et d'oignon qui sent furieusement la gibelotte. Elle m'a détourné d'un récit que vous jugerez sans doute plus intéressant. Je tenais à établir ceci, c'est que j'ai la bosse de la vénération très développée. Je vous mets au défi d'inventer un bon dieu quelconque, fût-il en pain d'épices, sans me trouver prêt à lui faire mes dévotions. Comme on le dit très justement, si cela ne fait pas de bien, cela ne peut pas faire de mal. Cela vous explique le respect attendri que m'inspire la mythologie déjà nommée. Je crois aux traditions, comme aux légendes, de la façon la plus robuste, à la métamorphose d'Actéon comme au cerf de Saint-Hubert, au Minotaure comme à Saint-Joseph, de l'accouchement de Jupiter par la cuisse comme à l'Immaculée Conception. Je crois même aux eaux miraculeuses, y compris celles de Barège, qui guérissent de la goutte, et celles de Saint-Sauveur, qui font faire des enfants. Mais mon éclectisme ne m'empêche pas d'avoir des préférences. Je crois, entre toutes, à cette divine religion païenne qui faisait tout resplendir autour d'elle, animait la matière et l'imprégnait d'un charme idéal. Musset, à qui nous devons tant de mauvais poètes, demandait un jour à ses lecteurs « Regrettez-vous le temps où le ciel sur la terre vivait et respirait dans un peuple de Dieu ?»« Si je le regrette, oui, de tout mon cœur. J'ai pour ces bons dieux endormis un culte pieux et profond dont je me fais gloire. C'est pour cela que je viens défendre et réhabiliter un de leurs saints et vous dire sa véritable histoire. » Son véritable nom était Narcisse. Vous allez tous vous écrier « Ah, je le connais !» Non, vous ne le connaissez pas. Voulez-vous me permettre de vous dire sa véritable histoire, dénaturée par Ovide, un simple polisson ? J'ai pour moi Pausanias et les Corinthiaques, sérieusement. Il naquit autrefois, sur les bords du fleuve Cydnus, deux enfants jumeaux dont la beauté ne pouvait être comparée à nul autre. Ils étaient de sexes différents, mais d'une ressemblance telle qu'on les confondait souvent sous les vêtements du premier âge. Le garçon s'appelait Narcisse, la fille Daphné, mais on disait plus souvent la sœur de Narcisse. Ces deux anges vivaient ensemble, la main dans la main, partageant les caresses maternelles et dormant le soir dans le même berceau. Leur jeu, leur plaisir, leur tristesse, tout leur était commun. Ils ne pouvaient s'endormir que dans les bras l'un de l'autre. Longus a dû copier cette histoire ainsi que Bernardin de Saint-Pierre, car elle remonte aux âges primitifs et les prêtres la racontaient aux fidèles dans les grands bois sacrés. À 16 ans, la nature toucha ses enfants de son aile. Je ne sais quelle flamme s'alluma dans leurs yeux, quelle humidité alanguit leurs prunelles, mais ils devinrent si beaux qu'ils s'éblouirent mutuellement. Aussi se regardaient-ils sans cesse, et cela se passait dans ces temps d'innocence où les pères mariaient leurs enfants sous l'œil de Dieu, sans s'inquiéter de leur état civil. Les contrats se signaient avec des baisers. Rien ne troublait la félicité de ces deux êtres si parfaitement semblables qu'ils en étaient arrivés à n'avoir qu'une même pensée. Ils passaient leur journée à la chasse, comme il convenait dans ces temps héroïques où l'on vivait de combat et non de culture. Ils parcouraient les forêts, pareils à de jeunes dieux, l'arc à la main, le carquois sur l'épaule, frappant de leurs flèches les oiseaux éperdus et les lièvres timides. Le soir, ils rentraient au logis où leur mère inquiète accusait leur lenteur. Les pâtres les regardaient passer avec une admiration mêlée d'envie. Ces enfants n'aimaient point à se mêler aux adolescents hardis ni aux jeunes filles rieuses. Rêveurs, ils s'étonnaient des changements qui s'opéraient en eux et en ressentaient une sorte d'épouvante. La voix de Narcisse était devenue plus grave et plus sonore. Daphné voyait se gonfler sa poitrine et s'arrondir les lignes de son corps, tandis que son frère conservait sa taille svelte et élancée. Elle en ressentait une honte secrète et s'attachait à lui pour qu'il la protégeât contre cette métamorphose. Narcisse ne savait que lui dire et ignorait l'art de la consoler. Un jour, le sang de la puberté rougit les genoux de la jeune fille. Elle se crut frappée par les dieux et abandonna Narcisse, fuyant, éplorée, dans les grands bois sourds, accablée du sentiment de son impureté. Elle se perdit dans leurs ombres. Quand Narcisse ne la vit plus, quand il fut obligé de respirer seul, il tomba dans une sombre folie. Il chercha sa sœur bien-aimée. Il la chercha partout, dans les retraites qu'ils avaient parcourues ensemble, dans la profondeur des forêts, au bord des sources et des ruisseaux, dans les cavernes et les abîmes. Il ne la vit pas reparaître. Un jour, accablé par la fatigue et la faim, il s'assit auprès d'un étang et se pencha pour s'y rafraîchir. Les eaux limpides lui renvoyèrent une image. Il ne douta point que ce fût Daphné. Elle lui souriait et lui tendait les bras. Il pouvait à peine maîtriser les battements de son cœur. Il l'appelait et s'inclinait vers elle, mais dès que ses lèvres touchaient la surface de l'eau, la vision se troublait et disparaissait. Et c'est ainsi qu'il mourut, le cœur inassouvi, le regard attaché sur l'image fugitive. Ainsi s'achève Narcisse de Richard Lesclide.